rappelle surtout pas, c'est un comeback comme LL. Deux, trois rides sur le visage, critique pas, je prends la vida comme elle est. Clip naze en télé, retour aux pyramides, j'ai la vision d'un fucking X-Man pendelé. Bienvenue en France, au royaume Polanski et ses disciples. Nous on a les fétiches, c'est des fétichistes. Je me suis barré, j'en avais marre de respirer l'air d'ici. De toute façon j'écoute plus de rap, follow ACDC. Là j'ai compris au fond ce qu'ils voulaient tous. L'État c'est le casino, ils gagnent à tous les coups. Donc en douce ça met les bouchées doubles. Élevé à la roulette russe, on a le flow bulletproof. Du coup ça part en mutinerie s'il y a pas de parloir poteau. Je roule un poule au canal de l'ourc, je suis un rasta bobo. Tu tombes pour un kilo, mais libre le killer de Grégo. Rap à gogo. Basta cogno, tu peux comprendre l'humeur d'une étudiante comme Florence Ray. Si j'avais son adresse, je lui enverrais des fleurs en secret. Drug dealer à la Sanofi, ma cité va craquer, c'est donc Sanovi. Un cœur pour tous comme le frérot Kevin du Guatemala. L'air est grave selon les Aztecs Maya. Donne par amour à des ingrats, pas qu'il faut passer par là. On a inventé l'ascenseur, donc je fais des passes d'être malade. Et à ce rythme, devrait sûrement pas le pied comme Cristiano. Un insolite au bang, les bandanas, les crises d'ado. Le Carolite, t'as le tarolège, donc tu méprises ta peau. Je t'apporte la bonne parole, l'arme au point, genre conquistador. Ils nous ont dit, plus bambin, fallait qu'on rêve pas trop. Fuck la school, nos futurs, nous on se lève pas tôt. Y'a des millionnaires sur 29, ils ont pas de test, la poteau. 6h du mat, boum boum boum, c'est la Gestapo. Il me répétait, tira où avec tes chansons de pauvre. Je préfère que les Jojo soient crates tant que les mains sont propres. Je vois mon passé en HD, tout ça sans thérapeute. Pour mes multipistes achetés, le bif sentait la meuf. Et je vais pas te raconter le tiers du quart. Entre les études et le tiers-quart, des fois c'est le grand écart. T'es pas de parti, très peu au bled, beaucoup en bécane. Ça roule un terre dans la classe, le prof est en pétard. J'ai récolté, guerre et classe, je venais pour paix et respect. Un 16e sens, cérébral, je suis comme TEST. 1, 2, 3, 4, je fais les réglages, j'attends qu'on me paie en espèces. Le rap game, je le jette pur crête, c'est comme si je vais y rester.